Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport local et régional. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant qu'hier, les Huskies de Rouyn-Noranda de l'instructeur Gilles Bouchard ont remporté une belle victoire hier. Ils ont éliminé les Moussettes d'Halifax en 6 parties. Les Huskies qui l'ont emporté 5-2. Ce qui fait en sorte qu'on ne connaît toujours pas l'adversaire des Saguenayens, puisqu'hier, les Olympiques de Gatineau ont défait les Screaming Eagles du Cap-Breton pour forcer la présentation d'un 7e match. Si Gatineau gagne ce soir au Cap-Breton, les Saguenayens vont affronter les Islanders de Charlottetown, et si Cap-Breton l'emporte, ben les Sags affronteront la formation de Gilles Bouchard des Huskies de Rouyn-Noranda en deuxième ronde. Patinage artistique, il y avait des athlètes du club de patinage artistique des Perles Bleues de Dolbeau-Missassini qui étaient en action à Baie-Saint-Paul. C'est la compétition Benoît-Lavoie. Médaille d'or en catégorie Star 4 pour Coralie Bouchard. Médaille d'argent en catégorie Interprétation argent pour Céline Gosselin. Ruban argent pour catégorie Star 3 pour Noémie Bouchard et Émilie Tremblay. Et en catégorie Star 2, Amelia Saint-Pierre a remporté cette catégorie. Médaille de bronze maintenant, catégorie Star 5, 13 ans et plus pour Justine Pagé. Catégorie Star 5, 13 ans et moins, Marie-Ange Larouche a triomphé. Et catégorie Star 4, Maggie Allard. Et puisqu'il est question toujours du club de patinage artistique du secteur de Dolbeau-Missassini, ben c'est le gala qui s'en vient, le gala de fin d'année. Et il y a des membres du club, les Perles Bleues, qui sont en nomination dans différentes catégories. Manon Hébert est en nomination pour le prix des bénévoles à titre de présidente du conseil d'administration. Julie Doré comme la meilleure entraîneuse. Également Julie Rioux comme entraîneuse déléguée, candidate pour le lauréat prix des entraîneurs bénévoles. Tant qu'à Justine Pagé, elle est candidate comme assistante de programme, comme candidate au lauréat et également au prix de l'assistance du programme. Hier, on a fait le bilan de la saison des Hurricanes de Massillage. On sait que les Hurricanes ont été éliminés par les Rapides de Dolbeau le Missassini la semaine passée. L'instructeur-chef Pascal Cloutier, qui ne sera pas de retour d'ailleurs à la barre des Hurricanes, a mentionné qu'il est quand même très, très content de l'année. Très content de la saison. On a fait une très bonne saison, je trouve. Puis les joueurs ont très bien progressé. Fait qu'écoute, je ne peux pas demander mieux. C'est sûr que la Coupe d'eau, déjà à la fin, c'est comme la cerise sur le gâteau. Mais okay. Donc, on a fait... Et dans un deuxième temps, Pascal Cloutier mentionne qu'ils ont été battus par une meilleure équipe, celle des Rapides de Dolbeau-Missassini. À la fin, tu sais, quand, dans un 3-5, là, la meilleure équipe finit toujours par gagner à la fin. Mm. C'est sûr, un match suicide... des fois, tu peux être chanceux, tu peux aller chercher un match, mais les autres, contre les Rapides, ben, comme j'ai dit à mon ami Luc quand je lui ai serré la main, la meilleure équipe a gagné. Fait que, il y avait une meilleure équipe que nous, plus Rapide. Puis, écoute, on est allé en chercher une, on a manqué à chercher deux matchs. Ouais. On a été chanceux sur le dernier match. Mais écoute, il y avait une très bonne équipe. Terminant, le noyau quand même est intéressant chez les Hurricanes de Mastouillage. Je pense que c'est assez positif, mais moi, c'est sûr que c'était ma dernière année en tant qu'instructeur-chef pour les Bantams. OK. Donc là, moi, je vais prendre une autre vocation, je vais aller dans les plus jeunes. OK. Je pense que prochainement, dans le Pee-Wee, ça s'en vient bien. Nous autres, on était assez... dans le Bantam, on était assez... comment je pourrais dire ça? Restreint dans le bassin. Je vous invite donc à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord, dans un premier temps, avec... Frédéric Degg de la presse canadienne, où on revient sur le magnifique week-end qui a eu lieu au Stade Olympique. 96 000 personnes se sont rendues au stade. Dans un deuxième temps, je me suis entretenu aussi hier avec Claude Raymond qui revient sur cette magnifique hommage qu'il a eu. Et dans un dernier temps, Pascal Cloutier nous fait un bilan de la saison des Hurricanes de Mastouillage. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.